Chapitre 26e. Un matin, en s'éveillant, Mademoiselle de B tira les rideaux de son lit pour laisser arriver à ses yeux les premiers rayons du soleil. On était au mois d'août. Toute la nature saluait, avec des chants d'oiseaux et des palpitations d'ailes, le réveil du jour. Une clématite balançait à la fenêtre ses étoiles blanches dans des touffes de verdure. Pulchérie mêlait intérieurement son cœur à cette fête du matin. Une brise fraîche lui apportait sur les vitres la rosée du parc en perles odorantes. Elle s'éveillait joyeuse. Rien de plus doux au monde que l'accord d'un cœur pur de jeune fille avec l'aube d'un beau jour. Mais, ayant regardé par hasard sur sa table de nuit, Mademoiselle de B y trouva une lettre. Elle l'ouvrit. Cette lettre était à son nom et de l'écriture de Georges. « Je pars. Je suis les ordres d'un vieil oncle qui veut m'embrasser avant de mourir. Je vais en Suisse. Adieu, vous que j'aime plus que jamais femme ne fut aimée. » Georges Fritz. Mademoiselle de B se leva, s'habilla à la hâte et sortit tout en désordre pour arrêter la fuite de Georges. Elle interrogea ses gens, qui lui dirent n'avoir rien entendu. On alla à la chambre du jeune docteur, mais on la trouva vide. Des fers de chevaux marqués sur le sable de la seconde cour firent croire à une évasion nocturne. Il fallait que des précautions minutieuses eussent été prises pour endormir les aboiements des chiens de garde. On expédia un courrier sur la route qui semblait avoir été tenu par le voyageur, mais on ne put retrouver sa trace. On présuma ensuite qu'il avait poussé son cheval à la nage à travers une petite rivière qui barrait le passage du côté du château afin de mieux dérouter toutes les poursuites. Mademoiselle de B fut prise par une angoisse impossible à décrire. Ses soupirs l'étouffaient. On fut obligé de la mettre au lit, où elle ne tarda pas à être prise d'une mauvaise fièvre. Dans son délire, elle répétait mille fois le nom de Georges.